بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue cette série de cours concernant les grands péchés écrits par l'imam al-Zahabi رحمه الله تعالى. L'auteur qui nous dit الكبيرة الرابعة في ترك الصلاة. Le quatrième grand péché dans le fait de délaisser la prière. Beaucoup de personnes pensent que les grands péchés sont liés au fait de faire quelque chose qui est haram. Faire quelque chose qui est haram. Ils oublient que parmi les grands péchés, il y a aussi le fait de délaisser quelque chose qui est obligatoire. Les grands péchés, c'est pas que faire quelque chose qui est haram, faire de la fornication, boire de l'alcool, etc. Non, il y a aussi le fait de délaisser quelque chose qui est obligatoire. Il nous dit l'auteur, il nous cite d'abord le premier verset, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيَّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية ولكن أخروها عن أوقاتها. Et donc ici la parole d'Allah. Et donc après eux sont venus des gens qui ont négligé fortement la prière et qui ont suivi les passions. Ces gens-là, ils rencontreront Raya. On verra ce que c'est que Raya tout à l'heure, Inch'Allah Ta'ala. Sauf ceux qui se sont repentis, qui ont eu la foi et ont accompli de bonnes actions. L'auteur nous dit, Ibn Abbas, il dit, ici, dans le fait d'avoir négligé fortement les prières, il n'est pas voulu ici, le fait d'avoir délaissé les prières, il n'est pas voulu le fait de les délaisser totalement. C'est pas le fait de ne plus prier. Mais c'est le fait de faire tarder, de retarder la prière jusqu'à ce qu'il la fasse sortir de son temps. Le fait de faire la prière sortir de son temps, c'est délaisser la prière déjà. Beaucoup pensent que si je prie après le travail ou après l'école, ça c'est la grande épreuve de tous nos frères qui sont au travail, et qui étudient, etc., etc., etc. Il faut qu'on soit fort dans cela parce que c'est un grand péché. Le fait de retarder cette prière, la faire intentionnellement sortir de son temps et de la rattraper après. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il dit que ces gens-là, ils rentrent dans ce verset. Qu'est-ce qui va leur arriver à ces gens-là? Fais ça ou fais yalqawna raya. Ils vont rencontrer raya, al-raya. On verra ce que c'est, insha'Allah ta'ala. L'auteur qui nous dit, wa qala Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, imam al-tabi'in, huwa an la yusalli al-zahra, hatta ya'ti al-asra, wa la yusalli al-asra ila al-maghrib, wa la yusalli al-maghrib ila al-isha, wa la yusalli al-isha ila al-fajr, wa la yusalli al-fajra, إلى طلوع الشمس فمن تاب وهو مسر على هذه فمن مات وهو مسر على هذه الحالة ولم يتب وعده الله بغي وهو واد في جهنم وهو واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه. Et donc il dit Saïd ibn al-Musayyib, qui est un des imams parmi les tabi'in, la génération après les sahaba, rahimahullah. Il dit, concernant ce verset, c'est le fait que la personne n'accomplit pas la prière du zohor jusqu'à ce que vienne le temps du asar. N'accomplit pas la prière du asar jusqu'à ce que vienne le temps du maghrib. N'accomplit pas la prière du maghrib jusqu'à ce que vienne le temps du isha. Et n'accomplit pas la prière du isha jusqu'à ce que vienne le temps du fajr. N'accomplit pas la prière du fajr jusqu'au lever du soleil. Alors, celui-ci, s'il meurt sans se repentir, s'il meurt dans cette situation, alors Allah lui a promis qu'il aura El-Raï. C'est-à-dire, c'est une vallée dans l'enfer. Une vallée profonde, dont sa nourriture est pourri. Et donc vraiment, ô chers frères, il n'est pas convenable qu'on obéisse à qui que ce soit parmi les créatures d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en délaissant les obligations d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le sujet est lourd, grave et dangereux. Le fait de délaisser la prière, ce n'est pas seulement la délaisser totalement. Déjà, cela se fait en plusieurs étapes. Première étape, le fait de ne pas faire les prières surérogatoires. Ça, c'est le début. Le fait de ne pas faire les prières surérogatoires, ça entraîne que lorsque tu as une faiblesse, quelle prière qui va prendre ? C'est la prière obligatoire. Quand tu es déjà habitué à faire les prières surérogatoires, le jour où tu as une faiblesse, qu'est-ce qui va prendre ? Ce sont les prières surérogatoires. Et lorsque tu n'es pas habitué déjà à faire les prières surérogatoires, tu fais que les prières obligatoires. Le jour où tu as une faiblesse, la prière qui va être diminuée de son droit, c'est la prière obligatoire. Ainsi de suite, une prière après l'autre. Le fait de faire retarder la prière, un peu, et Shaitan y joue avec nous, un peu, jusqu'à ce que la prière, elle sort de son temps. Tu es là, oui, je finis ça là, j'ai peut-être plus qu'à faire, je m'occupe de ça, et après je fais la prière. Je fais ci, mais oui, je vais faire, etc. Shaitan y joue avec nous. Jusqu'à ce que la prière, elle sorte de son temps. Et ensuite, l'étape d'après, jusqu'à ce que ça devienne normal. Que les prières, toutes les prières, ou beaucoup, sortent de leur temps. Et l'étape d'après, le fait de délaisser totalement la prière. Et donc, toi, tu vois à quelle étape tu es. Et tu essaies de te battre. Et un moyen que nous avons, nous les hommes, pour, justement, être sûr de préserver ces prières-là, c'est la prière à la mosquée. La prière à la mosquée, en jama'a, qu'on ne doit pas délaisser. Ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah, et Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Et donc, malheur aux prieurs, ceux qui sont distraits de la prière. Ceux qui sont distraits de la prière. Il dit l'auteur, rahimahullah, أي غافلون عنها متهاونون بها. C'est-à-dire qu'ils sont distraits de celle-ci, ils la méprisent, ils ne mettent pas la prière à son juste droit. وقال سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون قال هو تأخير الوقت أي تأخير الصلاة عن وقتها سماهم مصلين لكنهم لما تهاونوا وأخروها عن وقتها وعدهم بويل وهو شدة العذاب وقيل وواد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره وهو مسكن من يتهاون بالصلاة ويؤخرها عن وقتها إلا أن يتوب إلى الله تعالى ويندم على ما فرط سبحان الله. Et donc ici, Saïd, donc l'auteur qui nous dit, Saïd ibn al-Musayyib, il dit, j'ai interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant ceux qui sont distraits de la prière. Et il a dit, ce sont ceux qui font sortir la prière de son temps. Et donc, il les a appelés musallin. Il a dit que ce sont des prieurs. Mais lorsque ceux-ci ont rabaissé l'importance de la prière et qu'ils l'ont fait sortir de son temps, à ce moment-là, Allah les a menacés par El-Wail. El-Wail, qu'on peut traduire par le malheur. Il nous dit El-Wail, c'est aussi le dur châtiment. Et il fut dit que c'est une vallée dans l'enfer dont si les montagnes de ce bas-monde sont placées dans cette vallée, ces montagnes-là vont fondre tellement celle-ci. Donc tellement la chaleur de cette vallée est forte. Et cette vallée est l'abri de tous ceux qui sont négligents dans l'accomplissement de leur prière et qui vont la retarder en la faisant sortir de leur temps, de son temps, sauf celui qui se repent à Allah tabaraka wa ta'ala et qui regrette la négligence qu'il a eue. Il a été rapporté de manière authentique justement de certains de certains des pieux prédécesseurs qu'ils ont dit « Alhamdulillah, louange à Allah, celui qui a dit « Alladhinahum an salatihim sahoun » ceux qui sont distraits de la prière. Ils n'ont pas dit « Alladhinahum fi salatihim sahoun » il n'a pas dit « ceux qui sont distraits durant la prière ». Parce que la distraction durant la prière, ça nous arrive à tous. Ça nous arrive à tous, le fait d'être distrait pendant la prière. Mais ce qui est voulu ici, c'est être distrait de la prière. C'est-à-dire, tu es distrait, tu es occupé par autre chose, au lieu de faire ta prière. Il continue l'auteur, rahimahullah, il nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans un autre verset, « Ya ayyuhalladhina amanu, la tulhikum amwalukum wa la awladukum an zikrillah. » وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Ô vous qui avez cru que vos biens et vos enfants ne vous distraient pas du rappel d'Allah, et ceux qui font cela, ce sont certes eux les perdants. قَالَ الْمُفَسِّرُونَ الْمُرَادُ بِذِكْرِ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسِ فَمَنْ اشْتَغَلَ بِمَالِهِ فِي بَيْعِهِ وَشَرَائِهِ وَمَعِيشَتِهِ وَأَوْلَادِهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا كَانَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. L'auteur, il nous dit, rahimahullah, et donc les savants du tafsir, ils disent que ce qui est voulu par le rappel, donc ceux qui donc, se laissent détourner du rappel d'Allah, ce qui est voulu par le rappel d'Allah ici dans ce verset, ce sont les cinq prières. Celui donc qui va se préoccuper de ses biens en les vendant ou en les achetant, de sa vie, de ses enfants, en délaissant, en retardant les prières, alors celui-ci fait partie des perdants. Et ici, un petit, donc une petite correction, barakallahu fikoum. En réalité, chez les mufassirines, chez beaucoup, ils disent que c'est général. Le rappel d'Allah, il est général ici. C'est pas que la prière. Celui qui va délaisser des cours obligatoires, apprendre sa religion, parce qu'il est préoccupé par la dunya, il rentre dans ce verset. Il délaisse le rappel d'Allah parce qu'il est préoccupé par la dunya, il rentre dans ce verset. Ne laisse pas la dunya te préoccuper du rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ensuite l'auteur qui nous dit, wa hakadha qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi as-salat, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in naqasat faqad khaba wa khatir. Et donc c'est ainsi qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la première chose sur laquelle on sera interrogé au jour de la résurrection, c'est la prière. Donc si cette prière, elle est correcte, alors le serviteur, il aura réussi, il aura été sauvé. Et si cette prière a des manquements, alors certes celui-ci, donc, aura perdu, il fera partie des perdants. Et donc, en réalité, les frères, barakallahu fikoum, celui qui va faire prévaloir les droits des hommes aux droits d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est un perdant. Un perdant. Il fait prévaloir l'obligation de son patron, de son chef d'entreprise ou autre au droit d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est un perdant. Et donc on va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khayran.